ont enfin recouvré la liberté. Valentine Bourrat et Thomas Dandois, deux confrères journalistes arrêtés en Papouasie-Occidentale au prétexte qu'ils y étaient entrés avec des visas de touristes sans faire état de leur qualité de journaliste. Mais comment aurait-il pu faire autrement, puisque la présence d'une presse libre y est interdite? Grief supplémentaire, ces deux reporters qui préparaient un documentaire pour la chaîne Arte auraient pris contact avec des membres du mouvement indépendantiste papou. Cette défiance envers la presse n'est guère surprenante. Le pouvoir indonésien qui s'est emparé de la Papouasie occidentale dans les années 1960 n'a guère envie que l'on vienne constater sur place ce qui est un véritable scandale humain et écologique, c'est-à-dire l'exploitation forcenée d'un territoire qui était encore pratiquement vierge il y a peu de temps et la disparition programmée de populations qui n'ont pour seul tort que de vouloir continuer à vivre sur leurs terres ancestrales, quitte à contrarier les gigantesques appétits des colonisateurs et quelques multinationales. Monsieur X, qui a déjà évoqué cette catastrophe, revient sur ce thème à l'occasion de la mésaventure de nos deux confrères. Rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Un mot d'abord sur la situation des deux journalistes, Valentine Bourrat et Thomas Dandois. Arrêtés en août 2014 pour avoir pénétré illégalement en Papouasie occidentale, ils risquaient jusqu'à 5 ans de détention. Ils ont été jugés fin octobre et condamnés à 2 mois et demi de prison et aussitôt invités à quitter prestement le pays. Oui, leur peine a été précisément calculée pour couvrir le temps de leur détention provisoire. On peut estimer que c'est un verdict plutôt clément. Oui, et ils le doivent certainement à l'élection en octobre d'un nouveau chef de l'État indonésien, Joko Widodo, qui n'est pas issu, comme tous ceux qui l'ont précédé, de la caste dirigeante et militaire qui a si longtemps gouverné l'Indonésie. Un homme neuf qui a promis des réformes importantes. Alors, est-ce aussi un bon signe pour les populations opprimées de la Papouasie occidentale ? Avant son élection, au cours d'un voyage là-bas, Widodo a beaucoup promis. On verra s'il tient parole. Car pour améliorer la situation en Papouasie, il devra affronter des forces considérables. Et d'abord le principal trust nord-américain qui exploite les richesses naturelles de cette province indonésienne. À commencer par la gigantesque exploitation minière de Grasberg. Un véritable cancer qui grignote peu à peu les montagnes du pays. Ouais, un cancer, là, vous exagérez, non ? Non, nullement. Et si vous le voulez bien, j'aborderai cela plus précisément. Mais enfin, sachez déjà que la superficie concernée couvre un territoire grand comme la Belgique, un paysage d'ores et déjà dévasté, envahi par des millions de tonnes de roches et de détritus arrachés à la montagne, dont tous les cours d'eau sont pollués par les poisons utilisés pour extraire l'or et le cuivre. Alors, pour revenir au président Widodo, pourrait-il s'opposer à la puissance financière de la Freeport-McMoRan ? Et en aura-t-il le courage ? Les autochtones, en tout cas, n'en sont pas persuadés. Et puis, il faut dire qu'on leur a déjà fait tellement de promesses qui n'ont jamais été tenues. Ouais, donc ils se méfient. Et d'ailleurs, ils ont boycotté le scrutin présidentiel. Alors, même si nous avons déjà parlé ensemble de la Papouasie, je vous rappelle qu'il existe 2 Papouasies. L'une, ancienne colonie australienne, est indépendante depuis 1975. Et l'autre, la Papouasie occidentale, est aujourd'hui soumise à l'Indonésie. L'île de Nouvelle-Guinée est divisée en 2. Une séparation parfaitement artificielle. Les colonisateurs, d'un simple trait de crayon, séparaient cette île équatoriale en 2, dans le sens de la largeur. C'est une très grande île. Oui, la deuxième plus grande île au monde. Presque 2 fois grande comme la France et occupée depuis des dizaines de milliers d'années par des tribus papous, des centaines de tribus guerrières et qui parlent des langues différenciées. Les scientifiques estiment que le 1/5 des langues parlées dans le monde se trouve en Papouasie. Mais certaines, en raison de l'extinction progressive des populations, risquent de disparaître peu à peu. Oui, c'est classique ça. Et l'histoire alors ? Écoutez, je vais vite. L'île a été découverte au XVIe siècle par les Espagnols et les Portugais. Sa partie orientale a d'abord été occupée par les Allemands et les Britanniques avant de devenir australienne après la Première Guerre mondiale. Mais à l'ouest, ce sont des Hollandais qui s'y sont installés. Mais la Hollande qui colonisait déjà l'archipel voisin. Hein. Les îles néerlandaises, c'est-à-dire l'Indonésie d'aujourd'hui, qui a conquis son indépendance dès 1949. Mais les Hollandais ont continué à régner sur la Papouasie occidentale qu'on appelle encore la Nouvelle-Guinée occidentale. Et ici, il faut tout de suite constater qu'à part une relative proximité géographique, la Papouasie n'a rien à voir avec l'archipel indonésien. Géologiquement, elle appartient au continent mélanésien, tout comme sa population. Oui, les Papous sont des Mélanésiens. Ah oui, à l'instar des Kanaks de Nouvelle-Calédonie ou des aborigènes d'Australie. Alors que les Indonésiens, eux, sont d'origine asiatique. C'est ça. Les Hollandais n'ignoraient pas que tôt ou tard, ils devraient accorder son indépendance à leur colonie. Ils s'y attendaient. Mais ils préparent aussi les Papous à leur émancipation prévue pour le début des années 60. Est-ce qu'à l'époque, les Indonésiens lorgnent déjà sur la Papouasie ? Oui, essentiellement parce qu'elle est riche de promesses. Assez tôt, en effet, des géologues ont annoncé, par exemple, qu'on pourrait y trouver beaucoup d'or. Ah, l'exploitation, donc, de ces ressources naturelles. Mais les Hollandais, eux, préféreraient que les Papous prennent leur destin en main. Oui, sans doute parce qu'ils n'avaient pas envie de faire des cadeaux à leur ancien colonisé indonésien. C'est probable. Ça va aller assez loin, puisqu'on assiste même à une brève confrontation militaire entre les deux pays. Quoi, au sujet de la Papouasie ? Oui. Et pendant ce temps-là, en décembre 1961, les Papous déclarent leur indépendance et brandissent leur drapeau national frappé de l'étoile du matin. Mais c'est sans compter avec la volonté farouche des Indonésiens qui veulent à tout prix s'emparer de la Papouasie occidentale. Et surtout de ses richesses. Bon, bien évidemment, car le sort des peuples qui y vivent leur importe peu. Pour la plupart des Indonésiens de l'époque, ces indigènes sont des quasi-sauvages avec leur peau noire, leurs cheveux crépus et leur face camuse. Pour certains, à peine des hommes. Il est alors fréquent d'entendre dire que plus on s'éloigne vers l'est de l'archipel et plus les autochtones ressemblent à des singes. Ah oui, et ça a changé. Ces préjugés racistes ? Bah oui, oui. Malheureusement, je crois qu'ils existent encore. Il suffit de voir comment les forces de l'ordre répriment les manifestations de protestation des Papous. Enfin, je reprends. Jakarta n'a de cesse de vouloir s'emparer de la Papouasie occidentale. Et paradoxalement, c'est un champion de la décolonisation qui va accélérer le processus de contrôle de son pays sur ce territoire. Le président Soekarno ? Oui, oui, lui-même, le chantre des pays non alignés, l'homme de Bandung qui a soulevé tant d'enthousiasme dans le tiers-monde. Eh bien, Soekarno déclare au début des années 60 que la Papouasie occidentale fait partie du territoire national indonésien. Et il va se livrer un véritable chantage pour arriver à ses fins. Un chantage sur qui ? Sur les États-Unis. Soekarno menace Washington. Si vous ne m'aidez pas à annexer la Papouasie occidentale, je me tournerai vers Moscou. Alors il compte donc, là, pour arriver à ses fins, sur l'influence internationale des Américains. Oui, et Soekarno met aussi en valeur le poids régional de l'Indonésie, qui est alors le pays musulman le plus peuplé. En ces temps de guerre froide, la menace du président indonésien porte. Les États-Unis vont faire tout ce qu'il faut pour donner satisfaction à Soekarno. Ils sont d'autant plus acquis à cette cause que c'est une entreprise américaine qui envisage d'être le maître d'œuvre de l'exploitation minière. L'autre paradoxe, c'est que ces mêmes États-Unis ne seront pas étrangers à la destitution du président Soekarno en 1965. Oui, Soekarno jugé beaucoup trop progressiste. Oui, le coup d'État de l'armée indonésienne donnera lieu au massacre de centaines de milliers de communistes, ou prétendus tels. Et dans l'affaire, d'une façon très cynique, il faut reconnaître que les Américains ont bien joué. Car le successeur de Soekarno, le général Suharto, est déjà depuis longtemps à coquiner avec la puissante compagnie américaine Freeport. Ouais, qui va pouvoir désormais exploiter les richesses minières de la Papouasie en toute tranquillité. Alors, bon, revenons un tout petit peu en arrière. Sous la pression de Washington, la Haye doit accepter en 1963 que la Papouasie occidentale soit confiée à la tutelle de l'ONU. Et 6 ans plus tard, l'organisation internationale cède tout bonnement le territoire à l'Indonésie à l'issue d'un référendum complètement truqué. Songez que les Papous sont à peu près 1 million. Mais que seul 1 millier d'entre eux, soigneusement choisis bien sûr, sont appelés à se prononcer sur une éventuelle autodétermination. Oui, naturellement, le résultat est favorable à Jakarta. Ah bah forcément, puisque les authentiques délégués de la communauté papou ont été préalablement parqués dans un camp d'internement sous la garde de l'armée. Et alors, l'ONU a avalisé un tel simulacre de scrutin ? Malheureusement, oui. Et le monde entier s'incline. On n'entendra qu'une seule voix discordante, celle du général de Gaulle, qui avait été alerté par André Malraux. Dès lors, l'Indonésie va pouvoir exploiter sans vergogne les fabuleuses richesses de la Papouasie occidentale. Et vous avez évoqué alors le cuivre et l'or. Hein. Je reviendrai sur les conditions scandaleuses de leur exploitation. Ah oui, mais il y en a d'autres. On y trouve aussi de l'étain et du nickel. Puis il y a les arbres, tout ce bois précieux et imputrescible dont on raffole en Occident. Il faut aussi ajouter du pétrole et du gaz. Enfin, la fertilité du sol et le climat équatorial permettent de faire pousser à peu près n'importe quoi. Et d'abord, ces palmiers à huile qui sont aujourd'hui cultivés dans la plupart des pays équatoriaux ou tropicaux. Ouais, aux dépens des cultures alimentaires. Hein. Et de la forêt primaire. Une des dernières qui existe sur le globe et qui est encore une réserve de la biodiversité animale et végétale exceptionnelle. J'ajoute, même si dans cette histoire, l'aspect humain passe au second plan, que pour les Papous, la forêt est sacrée et tient une place considérable dans leur mythologie parce qu'elle abrite les esprits. Ouais, mais des considérations qui n'ont aucune valeur marchande. Et qu'on peut donc sacrifier en toute bonne conscience, oui. La forêt nourricière qui n'appartient à personne et qui est donc un bien commun selon les coutumes papous, mais aussi une forêt sacrée a dit Monsieur X. La suite avec cet extrait d'un blog tenu par l'animateur d'une ONG papou qui explique pourquoi la déforestation est dévastatrice à tout point de vue. La blessure la plus grave n'est peut-être pas la plus visible. Les papous à Moumbé pensent qu'après leur mort, les esprits de leurs guerriers vont dans les montagnes. Or, la montagne, aujourd'hui, est occupée. Par ailleurs, la montagne est comme leur mère. Tout en haut, c'est la tête. Puis il y a des sommets qui sont les mamelons, des seins. Après, le torse. En bas, dans les terres basses, ils ne peuvent pas vivre. Juste chasser, c'est le ventre et le centre de la procréation. Et c'est là où Freeport rejette ses déchets et sa cage. Alors, c'est comme si leur mère était violée. Rendez-vous avec X. Avant de voir quelle a été la réaction et la résistance des papous et quelle est leur situation aujourd'hui, un point sur ce que j'ai qualifié de cancer de la Papouasie occidentale. Cette énorme mine de Grasberg, la plus grande et la plus haute du monde, au moins territorialement. Et d'abord son histoire. Le premier gisement minier baptisé Edsberg, c'est-à-dire la montagne du minerai en néerlandais, a été découvert sur l'île en 1936 par un géologue hollandais. Il était situé sur les hauts plateaux, au beau milieu de ce qu'on appelait encore la Nouvelle-Guinée. Oui, mais à l'époque, il n'a pas été exploité. Non, il faut attendre 1960 pour que d'autres géologues, travaillant pour la société états-unienne Freeport, confirment la découverte réalisée par leurs homologues néerlandais. Il y a de l'or et du cuivre dans le massif de Jaya-Wijaya, une zone montagneuse de l'île, et dans des quantités phénoménales. Et cette confirmation coïncide avec la convoitise indonésienne qui se manifeste alors. Hein. Ce n'est bien sûr pas un hasard. À Jakarta, on connaît maintenant le potentiel de richesse de la Papouasie occidentale. Et on va tout faire pour accaparer ces trésors. Sukarno engage d'ores et déjà des négociations avec Freeport afin que son pays soit actionnaire de la société qui allait exploiter le gisement. Donc avant même l'annexion de la Papouasie. Hein. Qui ne deviendra officielle qu'en 1969. Mais à Jakarta, où règne maintenant le dictateur Suharto, on considère que l'affaire est faite. En 1967, un premier contrat d'exploitation est signé avec le président de Freeport, un certain McMoran, qui va devenir un ami personnel du dictateur indonésien. Il faut d'ailleurs observer que pendant le long règne de Suharto, c'est-à-dire jusqu'en 1998, les meilleures relations existeront entre l'entreprise minière et le clan Suharto. Vous insinuez là que les Suharto vont en profiter. Oh ben, ils vont même s'en mettre plein les poches. Toute la famille et quelques obligés. Mais, bon, et quand commence l'exploitation proprement dite, alors. En 1973, c'est d'abord un piton rocheux situé à plus de 3000 mètres d'altitude qui a été attaqué. Principalement constitué de porphyre, il contenait de grandes quantités de cuivre ainsi que des traces d'or. C'est ce tout premier gisement qui est à l'origine de la création du complexe minier d'Edsberg-Grasberg. Et l'exploitation a été si intense qu'en 1988, le piton rocheux avait totalement disparu. Alors ce gisement était donc épuisé. Ah ben, les activités minières se sont déplacées à quelques centaines de mètres au nord-ouest, à Grasberg. Tandis qu'à la place de l'éperon rocheux, on observe désormais un lac où l'on déverse tous les métaux lourds utilisés pour l'extraction qui se poursuit un peu plus loin. Ouais, un lac poubelle en somme. Exactement. Parallèlement, comme vous pouvez l'imaginer, ce travail intensif a obligé la compagnie Freeport, devenue Freeport McMoran, quand son président y a associé son nom, a édifié donc de nombreuses installations pour loger les milliers de mineurs et les ingénieurs qu'elle employait. Ainsi a été créée au début des années 70 une grande ville, Timika, au sud-ouest de la mine, dans les basses terres, qui est devenue une base arrière logistique. Et dans les hautes terres, au plus près de l'exploitation, une grande cité minière a été construite. Ce qui signifie aussi que l'activité de la mine n'a jamais cessé. En effet. Et la superficie des installations et de la mine elle-même a progressé en permanence. Pour vous donner une idée, lorsque les premiers travaux d'extraction ont commencé, la mine couvrait un terrain de 10 000 hectares. Ce qui est déjà considérable. Mais dès 1997, avec l'obtention d'une nouvelle concession, c'était plus de 2,5 millions d'hectares qui étaient occupés. Et vous m'avez dit que c'était à peu près la superficie de la Belgique. Hein. Ou de plusieurs départements français, oui. À cette emprise territoriale démesurée, il faut ajouter ce qui apparaît comme un véritable désastre écologique. Un écocide, comme disent certains. Il vous faut savoir que pour extraire un seul gramme d'or, on doit se débarrasser d'une tonne de déchets. Des déchets empoisonnés par les matériaux chimiques utilisés qui s'accumulent sur les autres versants ou finissent plus directement encore dans les cours d'eau. Donc, au final, dans la mer. Bien entendu. On estime que le bassin des fleuves pollués au cuivre s'étend sur près de 250 km2. À cause de l'érosion qui lave les sols, les particules sont entraînées jusque dans les nappes phréatiques. Les cultures qui demeurent sont donc impropres à la consommation. Alors, bon, vous l'avez compris, ce sont des milliers de tonnes de déchets toxiques qui polluent chaque jour un peu plus la nature. Avec les conséquences que vous pouvez imaginer sur les populations locales et les travailleurs, bien entendu. Cette situation est même si scandaleuse qu'en 2008, le gouvernement norvégien, en signe de protestation, a revendu toutes ses parts dans l'entreprise minière Rio Tinto, associée à Freeport-McMoRan, dans l'exploitation de Grasberg. Et tout ça doit s'accompagner aussi, forcément, d'une intense déforestation. Et d'une spoliation toujours croissante des terres sur lesquelles vivent les Papous. Certaines tribus, comme celle des Amungme, ont même été forcés de troquer leurs hautes terres froides contre des marécages côtiers où sévit le paludisme. Enfin, et j'en aurais fini avec ce tableau catastrophique, la Papouasie occidentale est aussi victime d'une colonisation de peuplement galopante par des Indonésiens. C'est ce que l'on appelle la transmigration, c'est-à-dire l'installation favorisée financièrement par le pouvoir de familles issues des autres îles de l'archipel. Une colonisation qui doit aussi viser d'abord à réduire le poids démographique des Papous. Oui, qui ne seront bientôt plus majoritaires chez eux. C'est clairement l'objectif recherché. Et au fond, alors, à la fois pour Freeport-McMoRan et le pouvoir indonésien, l'idéal serait qu'il n'y ait plus de Papous. C'est ce que disent les plus lucides d'entre eux. Mais malgré leurs faibles moyens, ils ne sont pourtant pas décidés à se laisser faire sans combattre. Et j'y viens dans un instant. Auparavant, quelques chiffres qui illustrent la puissance de Freeport. Et explique pourquoi, pendant tant d'années, la compagnie a pu agir à sa guise en Papouasie occidentale. Le premier chiffre est à lui seul impressionnant. Chaque jour, ce sont près de 250 000 tonnes de minerais qui sont extraits de l'immense puits à ciel ouvert creusé au cœur de la montagne. Et quelle est la principale matière première recueillie ? Le cuivre, qui génère plus de 80% des revenus de Freeport-McMoRan. En 2010, l'entreprise a réalisé 5 milliards de dollars de profits. Et surtout, on a estimé qu'entre 1992 et 2011, la compagnie a versé pas moins de 13 milliards de dollars de redevances au gouvernement indonésien. Ah bah c'est la poule aux œufs d'or. Et Freeport est ainsi le plus gros contribuable de l'Indonésie. 1,5 milliard de dollars pour le seul semestre 2011. Et c'est sans compter avec les divers pots de vin et de sous de table. Ça explique que l'entreprise américaine a toujours été traitée avec la plus grande bienveillance. Ouais. C'est donc un état dans l'état. Freeport, en effet, fait la pluie et le beau temps en Indonésie. Et d'abord, bien sûr, en Papouasie, où rien ne peut lui être refusé. Même si on a observé ces derniers temps quelques réserves. Si j'ai le temps, je vous expliquerai pourquoi. Autre chiffre significatif. En principe, la loi stipule que 80% des revenus gouvernementaux produits par les mines de la Papouasie occidentale doivent y être réinvestis. Mais les Papous n'ont jamais vu la couleur de cet argent. Pour être tout à fait honnête, je vous signale que Freeport a déclaré avoir investi en 10 ans 600 millions de dollars en infrastructures sociales bénéficiant directement aux habitants. Oui, mais par rapport aux bénéfices réalisés dont vous venez de parler, là, c'est bien peu. Nous sommes d'accord. Alors, j'évoquais la résistance des Papous face à la toute-puissance de la colonisation minière. Dès 1965, se crée l'Organisation pour la Papouasie libre, acronyme OPM. Au-delà de la seule revendication nationale, ces dirigeants ont aussi la volonté d'affirmer leur identité noire. Ouais, l'exaltation de la négritude, hein, pour reprendre les mots de Léopold Sédar Senghor. Et d'ailleurs, celui-ci affichera sa sympathie pour les militants de l'OPM, qui ouvrira même une représentation à Dakar. En réalité, les propagandistes de cette négritude papoue veulent surtout lutter contre l'assimilation asiatique que Jakarta entend imposer par cette colonisation de peuplement dont je vous ai parlé. En tout cas, les indépendantistes papous ne tardent pas à passer à l'action. On observe ici ou là des opérations armées, par exemple des attaques de postes militaires ou de sites pétroliers, et même des prises d'otages. Mmh. Est-ce que c'est la naissance d'une guérilla ? Mais une guérilla sporadique, hein. Manifestement, ces indépendantistes n'ont guère de moyens et combattent encore avec des arcs et des lances. En outre, la population demeure généralement passive. Et la réaction de Jakarta ? Les généraux au pouvoir ripostent avec une extrême brutalité. Des villages sont bombardés au napalm et par milliers, les survivants doivent fuir dans la montagne et se réfugier, quand ils le peuvent, de l'autre côté de la frontière. C'est-à-dire dans la partie australienne. Hein. Et bientôt indépendante. Mais la présence de ces réfugiés regroupés dans des camps n'est pas sans poser de sérieux problèmes. Et la fraternité papoue finira par voler en éclats. D'autre part, il faut bien reconnaître que les Papous n'ont jamais formé une véritable nation et que leurs tribus se sont traditionnellement combattues, les armes à la main. Une unification difficile, donc. En outre, aucun leader emblématique n'a réussi à s'imposer et donc à incarner le mouvement indépendantiste. Et quand certains sont parvenus à devenir des leaders, ils n'ont pas tardé à être emprisonnés ou même abattus par le colonisateur indonésien. C'est si vrai que les observateurs sérieux estiment qu'au moins 100 000 Papous ont été exterminés depuis le début des années 60. France Inter, rendez-vous avec X et avec Patrick Pénaud. Philippe Pateau-Sélérier est l'un des meilleurs connaisseurs de la Papouasie occidentale. Il publie un blog sur le site du Monde Diplomatique en mars 2012. Il y écrit ceci. La Papouasie est un véritable sanctuaire pour les pulsions les plus sordides, un terrain de jeu pour psychopathes. Les militaires peuvent torturer, violer, assassiner en toute liberté, sans craindre la moindre sanction. Les trois soldats reconnus sur une vidéo qui avait fait le tour du monde en octobre 2010, on les voit torturer les Papous, ont été condamnés en janvier 2011 à des peines de 8 à 10 mois de prison ferme au motif qu'ils avaient désobéi aux ordres, rapporte un observateur. Alors, quand il n'y a pas de preuves, comme ce 13 décembre 2011 où dans la province de Paniai, région située dans les hauts plateaux du centre-ouest de la Papouasie, 27 villages étaient rasés, incendiés, mitraillés par hélicoptères, on imagine bien l'impunité des coupables. Plus de 20 000 personnes étaient expropriées de 130 villages, livrées à la famine, au froid, aux maladies. On dénombrait une vingtaine de victimes, la figure écrasée pour certaines d'entre elles, à coups de talons cloutés et de crosses de fusil. L'armée indonésienne peut donc intervenir en toute impunité en Papouasie occidentale. À peu près, oui. Ça s'explique d'abord par l'éloignement. On y est très loin de Jakarta et donc du pouvoir central. Et ça permet tous les excès. S'y ajoute un aspect particulièrement vicieux. Les militaires en poste en Papouasie gagnent peu. Ils sont par conséquent tentés de se payer sur la bête en se livrant sur place à de nombreux trafics. Prostitution, jeux, vente d'armes et d'alcool, ou coupes illégales de bois. Mais la façon la plus juteuse de gagner de l'argent, c'est de travailler directement pour la direction des mines, illégalement ou pas. Oui, pour assurer la sécurité de l'exploitation. Un marché très lucratif. En 2010, Freeport a dépensé par exemple 14 millions de dollars pour protéger son complexe industriel. Plus de 2000 personnels de sécurité ont été ainsi engagés, ce qui a généré une concurrence féroce entre l'armée indonésienne et les forces spéciales de police. On a même assisté à des rixes meurtrières pour s'approprier ces contrats de sécurité. Et bien sûr, ces tueries ont été imputées aux indépendantistes papous. D'ailleurs, ceux-ci affirment que ces militaires provoquent sciemment des incidents pour justifier leur emploi par la mine. Enfin, il faut aussi compter avec l'apparition de paramilitaires. Des supplétifs de l'armée, ouais. Dont certains, avec l'aval de l'armée, se sont regroupés au sein d'une milice islamiste. Car malheureusement, la religion joue aussi un rôle trouble dans cette affaire. Historiquement, les dirigeants des compagnies minières ont commencé par soutenir des missionnaires protestants qui, la Bible à la main, ont investi la jungle. On a donc assisté à une grande croisade où pasteurs et militaires, main dans la main, ont entrepris de christianiser les papous et donc de les obliger à renoncer à leurs coutumes traditionnelles. D'en faire des sujets dociles. Bien entendu. Mmh. Mais les colons qui arrivent aujourd'hui sont généralement musulmans. Ils ne supportent pas en particulier que les paysans papous continuent à élever des cochons comme ils en ont l'habitude depuis des millénaires. Ce qui génère de nouveaux conflits. Et la direction des mines est tentée de jouer la carte islamiste. Contre les papous. Évidemment. Mmh. Ce qui me semble surprenant, c'est que ce scandale humain et écologique, pour reprendre votre expression, suscite aussi peu de réactions dans le monde. C'est vrai, même s'il faut nuancer. En 1995... le gouvernement des États-Unis a retiré son assurance financière à Freeport. Plus tard, en 1997, c'est le ministère de l'Environnement indonésien qui a accusé la compagnie de négligence dans la gestion des déchets, des résidus. Et en 1998, l'ONG WWF a signé, avec Jakarta, la création d'un parc national de plus de 2 millions d'hectares jouxtant la concession Freeport. Mais est-ce que ça a changé quelque chose? Pas vraiment, non. Sur ces concessions, Freeport continue à polluer et à procéder à des déforestations. Autre initiative intéressante en 2010. Deux peuples papous, qui n'avaient jamais pu se faire entendre de la justice indonésienne, ont poursuivi la direction de Freeport devant les tribunaux américains pour violation des droits de l'homme et dommages environnementaux. Ils réclament près de 6 milliards de dollars. Mais ils ont entrepris là une action de longue haleine. Oui, dont on ne sait pas si elle aboutira un jour. Toutefois, la réaction la plus surprenante vient peut-être du gouvernement indonésien lui-même. Quoi ? Contre Freeport ? N'exagérons pas. Il s'agit peut-être simplement d'obtenir que la mine rapporte encore plus au trésor indonésien. Quoi qu'il en soit, voici ce qui s'est passé assez récemment au cours de l'automne et de l'hiver 2011. Soudain, une grève géante a paralysé Grasberg. Et que réclamaient les mineurs ? Des augmentations de salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Il faut en effet savoir que celles-ci sont particulièrement dangereuses et harassantes. Et d'abord, parce que l'exploitation s'effectue à très haute altitude, entre 3000 et 4000 mètres. Là où l'on souffre du manque d'oxygène. Or, parfois, avec les heures supplémentaires, on y travaille 14 heures par jour. La grève est donc très dure. À partir de la fin octobre, plus aucune production ne sort de la mine. Et réaction de la direction, alors ? Après avoir proposé une carotte, une petite augmentation de salaire, elle use du bâton. Ouais, la répression. Oui. Deux mineurs sont tués, d'autres sont gravement blessés. Enfin, à la mi-décembre, après 3 mois de grève, un accord est trouvé. Freeport s'engage à augmenter le salaire de base de 40%. Mais on n'en a pas fini pour autant avec les questions. Et pourquoi alors ? Parce que certains se demandent si le mouvement de grève n'a pas été manipulé par Jakarta. Car dans cette région où les droits de l'homme sont systématiquement bafoués par des policiers et des militaires payés par Freeport, il semble difficile qu'une grève spontanée ait pu éclater. Et puis, on s'interroge aussi sur la personnalité du principal meneur, un Javanais, qui compte de nombreux amis haut placés. Bref. On est amené à penser que l'État indonésien aurait été complice et se serait servi de cette grève pour obtenir plus de la vache à lait Freeport. Une action qui ne serait peut-être que l'amorce d'une entreprise de récupération par le pouvoir des activités des entreprises minières. Quoi, une sorte de nationalisation ? Jakarta n'osera peut-être pas aller jusque-là, mais il a envoyé aux dirigeants de Freeport plusieurs signaux qui devraient les inquiéter. En interdisant, par exemple, l'exportation de tout minerai brut. Oui, pour obliger l'entreprise à transformer sur place. Oui, mais en 2014, le gouvernement a fait marche arrière. Ce qui ne veut pas dire que le bras de fer a cessé. D'autant que le nouveau président Widodo aura peut-être à cœur de poursuivre sur cette voie nationaliste. Il sera peut-être aidé par le bouillonnement revendicatif qui agite désormais le personnel des mines. Comme si En suscitant la longue grève de 2011, on avait ouvert l'appétit des mineurs. Ainsi, en mai 2013, à la suite de l'éboulement tragique d'une galerie souterraine, 28 mineurs sont tués. Le comble, c'est qu'ils participaient à une séance de formation aux mesures de sécurité. Eh bien, les conséquences ? L'exploitation est immédiatement suspendue. Et la route menant à la mine est bloquée par des travailleurs qui exigent un renforcement des mesures de sécurité, tandis que Jakarta diligente une enquête. Puis à l'automne 2014, 2000 ouvriers paralysent à nouveau l'exploitation afin de protester contre un accident ayant provoqué 4 morts. Les accidents sont donc nombreux, très nombreux. Ils sont même en augmentation. Rien que pour l'année 2013, il y en a eu plus de 230. Ouais. Mais attendez, est-ce que cette montée à des revendications peut être favorable aux Papous ? En principe, oui. Car dans la mine, ce sont les plus exposés et aussi les plus mal payés. Mais je doute fort qu'à terme, le pouvoir puisse satisfaire leurs exigences. Et d'abord la principale, celle de vivre libre sur la terre de leurs ancêtres. Car le cancer minier n'est pas le seul danger qui les menace. Alors, quoi d'autre ? On a assez récemment mis en place un nouveau programme en Papouasie-Occidentale, dans la province de Merauke, plus précisément. Au nom du slogan « Nourrissons l'Indonésie, nourrissons le monde », une quarantaine d'investisseurs internationaux privés se sont vus délivrer des concessions qui les autorisent à défricher plus d'un million d'hectares de forêt. Pour y développer des cultures ? Palmiers à huile, maïs, soja, canne à sucre. Mais outre le fait qu'une fois encore, c'est la forêt primaire qui est victime de cette politique, Jakarta a fait venir de nouveaux migrants indonésiens, des centaines de milliers, et peut-être même des millions. Quoi, pour cultiver ces terres arrachées à la forêt ? Oui, et la conséquence sera une dilution supplémentaire de la population autochtone. Bref, les Papous seront encore un peu moins chez eux. C'est indubitablement ce que l'on cherche afin d'étouffer définitivement leurs aspirations à l'indépendance. Cette émission a été réalisée par Michel Biou avec le talent technique de Rémi Quincet, mise en musique par Monsieur Djoub et préparée par Rebecca de Nantes, qui a lu pour nous ceci. Oui, Patrick, je voulais rappeler que l'exploitation destructrice de la Papouasie occidentale touche aussi l'autre partie de l'île. À l'est, celle qui est devenue indépendante en 1975, la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les populations papoues n'y sont pas mieux traitées par les multinationales, toujours à l'affût des immenses gisements de gaz, comme ExxonMobil, les compagnies chinoises et depuis peu Total. Pour en savoir plus, je vous conseille les reportages de Céline Rouzet, en octobre 2012 dans l'émission Interception sur France Inter et dans Le Monde diplomatique en 2013. Toutes les références sont à retrouver sur le site de l'émission. Le site de l'émission, bien sûr, c'est franceinter.fr. À samedi prochain et tout de suite après le flash, Denis Jessoux.